Le paysan. Gustave, du haut de son 1m85, domine sa cinquantaine bien passée. Il est assis sur un tracteur agricole, accouplé à une charrue, petite fille de l'arrière. Ce vénérable agriculteur laboure avec patience et simplicité en s'appliquant à effectuer des sillons parfaits. Le but est d'aérer son champ, d'où il a le secret espoir d'y faire naître la récolte du siècle. Le bruit incessant du tracteur a depuis longtemps détruit une partie de ses facultés auditives. L'homme s'en moque. Le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'il lui plaît, même si c'est au détriment de la santé. Quelle importance, cette usure journalière, face à l'accomplissement de ce chef-d'œuvre. C'est sa maxime préférée. Gustave tourne la tête de droite à gauche, recherche dans l'espace fini de sa vision faiblissante une comparaison entre son travail et celui tout à fait impersonnel des robots labourant les champs voisins. Quels imbéciles! Ils ne savent pas la chance qu'ils ont de pouvoir labourer un champ et tout le savoir-faire qu'il faut mettre en œuvre pour l'exploiter intelligemment. Je leur montrerai qu'il est possible de réaliser des sillons aussi droits que la ligne Maginot. Ce sera la réussite de l'année, du siècle, pardi. Passage après passage, inlassablement, le tracteur poursuit son périple à travers la glèbe, d'où d'innombrables obstacles peuvent surgir du sol. Pierre, rochers et autres objets bizarres, tels que des obus datant de la Troisième Guerre mondiale. Le métier d'agriculteur est devenu dangereux, l'emploi de machines autonomes indispensable. Dire qu'à tout moment, je peux tomber sur une de ces saletés. On dira après que le métier d'agriculteur est sans danger. Je leur montrerai qu'il est possible de cultiver cette terre sans danger, malgré tout ce que peuvent dire ces technocrates. Gustave continue inlassablement son travail dans son champ.